Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation, en tout cas l'occasion de me donner un peu de temps pour discuter de ce que les économies font au SHS, donc sciences humaines et sociales, avec ce petit voyage au pied de la LRU. Donc vous devez vous demander deux, trois choses sur cet outil, qui est un outil selon Frédéric Rousseau de vendeur de lessive, hein, donc un diaporama. Donc l'arbre mort, c'est le symbole du laboratoire en crise, fondé par Frédéric Rousseau. On se demande bien pourquoi. Et ensuite, pour la raison pour laquelle il y a une vache, ben, tout simplement parce que mon métier, c'est de compter les vaches. Voilà, je suis historien, ruraliste. Ça, c'est une représentation d'une vache du 15e siècle. Et j'ai commencé, en fait, par compter des vaches. Compter des vaches parce que c'était un moyen d'essayer de comprendre comment s'articuler d'un côté le changement social et le changement économique. De la vache, je suis passé au petit hamster, c'est-à-dire que j'ai été recruté en 2011. Comme enseignant-chercheur, après avoir été intermittent du spectacle dans l'enseignement secondaire et supérieur. Et depuis 2011, ben, je fais le hamster, c'est-à-dire que je cours partout, j'assure plein de tâches administratives, pédagogiques, je réponds à des sollicitations, je viens jusqu'à Paris où il fait beaucoup trop froid pour moi, je fais des maquettes, je refais des maquettes, pour quelqu'un qui déteste les maquettes, c'est assez pénible. Et tout ça en m'épuisant et en faisant du surplace. Parce que c'est bien connu que l'hamster dans sa roue, il tourne, mais il n'avance pas d'un centimètre. Et en gros, je crois que c'est le meilleur résumé de mon métier, ou de notre métier, c'est-à-dire faire du surplace tout en courant énormément. Normalement, la roue devrait être beaucoup plus grande et le hamster beaucoup plus petit, je suis désolé. Et finalement, cette situation du métier d'enseignant-chercheur sur la forme de hamster conduit à une forme de distance critique par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout simplement le mur de mots que vous avez à droite, la LRU, l'innovation, les performances, l'utilité, le logiciel sympa, les marchés, la sélection, le RCE, etc. etc. On dirait que c'est tout simplement un résumé du site EducPro qui utilise sans cesse ces termes-là. Pour quelles raisons est-ce qu'on a besoin d'une distance critique, parce que l'université, au même titre que nombre d'institutions, comme l'hôpital notamment, font l'expérience actuellement du changement social qui est dicté par l'économie ou par les économies. Et que ces économies qui sont imposées sont presque l'alpha et l'oméga d'une politique, d'un projet politique. Et dès lors que ce projet est politique, il est un devoir critique et un devoir civique de s'y pencher. Parce que finalement, tout espace d'expérimentation est aussi un espace d'interrogation, ou doit être un espace d'interrogation. D'interrogation non seulement pour le citoyen, évidemment, que nous sommes tous, mais aussi pour le scientifique qui voit à l'œuvre actuellement, dans la science qui est en train de se faire et dans les changements qu'il peut observer dans la société contemporaine, des espaces d'interrogation, des paradigmes et des postulats, des sciences humaines en général, de l'histoire également, et du changement, enfin des changements qui nous affectent. Parce que le cas particulier ou la particularité des sciences humaines et sociales, c'est aussi de relier les choses entre elles et les hommes entre eux. Et c'est d'interroger le sens commun. Et aujourd'hui, on voit émerger un sens commun qui n'est pas discuté, qui n'est pas critiqué, qui n'est pas voté, qui n'a pas de visage, presque, pourrait-on dire, une espèce de doxa, dirait Frédéric Rousseau, qui est celui de la généralisation insidieuse d'une doctrine ou de pratiques sociales et économiques qui sont imposées sans être réellement abordé par le corps civique. Donc ma démarche va être assez simple. Je vais essayer d'explorer ce que les économies font aux sciences, économiques, sciences humaines et sociales, pardon, en examinant successivement une étude de cas, les apories, les contradictions de cette étude de cas, et peut-être essayer de formuler quelques espoirs critiques si j'arrive à tenir le temps. Sinon, on passera sur l'espoir. Finalement, c'est ce qui reste à la fin. 17 septembre 2013, on a à Béziers, si vous arrivez à placer Béziers sur une carte, c'est tout en bas, là où il fait moins froid, l'annonce de la fermeture de l'antenne universitaire de l'université de Montpellier 3 en raison du déficit de l'université. Cette année-là, on a une espèce de grand boom dans les médias, c'est-à-dire qu'on annonce pour la première fois la fermeture d'un site universitaire. Cela en raison du déficit chronique de l'université qui a atteint à ce moment-là, 3,5 millions d'euros, nous dit notre présidente Anne Freys. Et on va fermer le site de Béziers parce que les étudiants sont plus coûteux. Vous m'excuserez de l'avoir mis en gras, souligné et en rouge. C'est-à-dire que ces étudiants sont plus coûteux que les autres. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement pour ces 730 étudiants aujourd'hui dispatchés dans 6 licences qui constituent 380 boursiers, c'est-à-dire plus de 50% des effectifs? Ça veut dire qu'ils vont voir là, l'antenne universitaire qu'il y a dans cette ville fermer ses portes, ils vont devoir aller ailleurs s'ils en ont les moyens et s'ils le peuvent. En fait, en septembre 2013, on voit apparaître une cascade d'iniquité, d'inégalité, ou alors de ce qu'une politique a d'asymétrique. On sait généralement que les universités sont moins bien traitées que les grandes écoles ou que les classes préparatoires, que les universités de sciences en sortent mieux que les LSH, que les lettres et sciences humaines. Béziers cumule les handicaps. C'est la province de la province. C'est une province par rapport à Montpellier. Montpellier étant elle-même une province par rapport aux facs de sciences qu'elle a autour et ensuite par rapport à la capitale. C'est une ville qui est économiquement sinistrée. Si vous traversez Béziers aujourd'hui, je sais qu'un de mes collègues le fait une fois par semaine, ce n'est plus la ville rieuse et riante il y a quelques années. Le contexte dans lequel ça arrive en 2013, c'est celui de la préparation des élections municipales, avec un Front National qui caracole en tête et qui va finir par emporter les suffrages, parce qu'aujourd'hui on a un maire Front National à la tête de la mairie de Béziers. Et cela avec un taux de chômage qui dépasse les 20% et un seuil de pauvreté qui dépasse les 33%. Aubervilliers, et pas Aubervilliers, Saint-Denis, Roubaix font à peine pire. Ça veut dire que c'est dans cette ville-là, sinistrée, que l'on décide de fermer l'antenne universitaire. Avec des étudiants qui eux-mêmes s'appellent des élèves, qui n'auront pas réellement la possibilité d'aller ailleurs. Ils n'en auront pas la possibilité parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Au même moment, on annonce l'ouverture d'une université privée, Ferdinand Pessoa, une espèce d'usine à Afrique, excusez-moi l'expression, dans les domaines de la santé, etc., etc. Il y a un véritable coup de semence, qui montre bien ce que l'économie ou ce que les économies font là, au quart monde du monde universitaire. Qu'est-ce que révèle cette histoire-là? Elle révèle d'abord un déficit structurel des universités dont on avait à peine entendu parler en dehors des universités. Le fait que ceux qui ont le moins sont ceux qui seront le plus touchés par la crise. C'est pas un scoop, hein. Que la crise soit économique, sociale, politique, c'est toujours ceux qui sont en bas qui ramassent le plus. Et que pour qu'on en entende parler dans les médias, il faut créer le scandale de toutes pièces. Ça, c'est pas non plus un scoop, hein. Étant historien, on sait que le meilleur moyen de faire intervenir les pouvoirs publics, c'est de créer le scandale. Et cela pour créer une condition d'une négociation avec l'État qui va finalement mettre la main à la poche pour sauver le site. Pour quelle raison l'État fait-il ça? Pourquoi Mme Fioraso, malgré le fait qu'elle ait été un peu prise par surprise, va rallonger la dotation financière de l'université? C'est que les médias s'en sont mêlés. En discutant avec les médias sur place, notamment la spécialiste du Monde, Nathalie Braffman, en lui posant la question « Est-ce que vous seriez déplacé si on avait coupé tous les crédits de la recherche de l'Université de Montpellier ?» C'est à peu près le même coût que Béziers, que l'antenne universitaire, c'est-à-dire environ 2 millions d'euros. Elle m'a clairement et franchement dit « Non, je ne me serais jamais déplacé si on avait coupé tous les crédits de la recherche. » C'est-à-dire que finalement, l'utilité de l'université, ses missions à la fois d'enseignement et surtout de recherche, ne paraissaient pas dignes d'intérêt. Du côté ministériel, évidemment, on essaie de faire bonne figure en accusant l'université d'être mauvaise gestionnaire à cause de recrutements trop importants, d'offres foisonnantes de formation, etc., etc. Et on demande un audit, ce qui est une manœuvre politique bien connue. Quand on prend le pouvoir, on commence par demander des audits. Le cas n'est pas isolé. On sait aujourd'hui qu'on a entre 15 et 20 universités qui sont en déficit structurel. Certaines, dont Montpellier 3, sont passées sous la tutelle du rectorat. On est à environ actuellement à 20% d'universités qui sont en déficit. Clermont-Ferrand qui est aujourd'hui dans une situation dramatique, qui doit choisir entre le chauffage et l'électricité. J'espère pour eux qu'ils ne se chauffent pas à l'électricité. Versailles 51 qui n'avait pas de papier dans les photocopieuses quand il restait les photocopieuses, qui a dû faire demander la charité pour avoir 3 livres, etc. Et d'autres universités parisiennes, périphériques, Marne-la-Vallée, Paris, Le Mans, Mulhouse, etc., etc. Finalement, cette crise de l'université, qui est une crise financière et budgétaire, n'est pas le fruit du hasard, c'est pas le fruit de la crise, c'est le fruit d'une politique publique. C'est la conséquence d'une politique publique qui remonte aux acronymes de la LOLF, donc c'est la loi d'orientation budgétaire qui a connu plusieurs épigones, de la révision générale des politiques publiques avec des objectifs de transparence, de réduction des coûts et de performance. Ça, c'est ce que dit la loi. En fait, il s'agissait de diminuer le périmètre de l'État. État qui, depuis 1945, est censé être un État qui permet d'un côté la protection des citoyens, sociale, culturelle, etc., etc., mais aussi, finalement, de consolider la démocratie. À cette politique budgétaire avant tout, donc le politique devient budget et le budget devient économie, c'est dérouler toute une batterie de réformes successives qui étaient dans la même ligne, la loi LRU, donc sur la loi sur les responsabilités des universités, les responsabilités et les compétences élargies, aujourd'hui la loi ESR, donc sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui est passée dans un cavalier, dans une loi sur l'agriculture, c'est bien, je suis historien ruraliste, c'est peut-être une des seules lois que j'ai lues directement, qui décrète l'autonomie des universités, trois points de suspension, sans les moyens qui vont avec. C'est-à-dire qu'on rend les universités autonomes sur le plan du budget, sans leur donner les moyens de cette autonomie. Si on veut tuer l'autonomie, on n'a qu'à leur donner une autonomie sans moyens. Et puis on pourra faire le constat que l'autonomie ne marche pas, puisqu'on n'a pas les moyens pour la faire fonctionner. Et tout ça en l'assortissant de systèmes de pilotage, de moyens de pilotage quasiment automatiques, qui sont des logiciels, comme Sympa. Donc Sympa veut dire exactement le contraire de ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Sympa n'est absolument pas Sympa. C'est un logiciel qui calcule les dotations pour les universités en fonction d'un certain nombre de critères, donc c'est du multiproxy, nombre d'étudiants, le taux de réussite, le type de locaux, etc., etc., et qui va créer de toutes pièces le déficit des universités. Comment ? Ben, tout simplement en permettant la non-compensation d'un certain nombre de charges qui ont été données. Tout cela, vous le connaissez, évidemment, la GVT, donc le glissement de liesse technicité, qu'on appelle également élégamment la masse salariale, les boursiers. Donc, quand un étudiant est boursier, il ne paie pas les droits d'inscription, mais c'est une partie des inscriptions qui n'est pas compensée par l'État. Et ensuite, ces logiciels, donc il faut rentrer dans les boîtes noires des logiciels, connaissent des perversités sans nom. C'est-à-dire que dans les moyens qui sont alloués, par exemple, il y en a un qui porte sur le taux de réussite des étudiants. Quand vous vous inscrivez à l'université, vous avez deux types d'inscriptions. Vous avez une inscription administrative, où on délivre une carte d'étudiant, et une inscription pédagogique qui vous permet de passer les examens. Pour la dotation des universités, on leur donne évidemment des moyens en fonction du nombre d'inscrits aux examens. Mais on calcule les taux de réussite aux examens en rapportant le taux de réussite à l'examen aux inscriptions pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'étudiants qui s'inscrivent administrativement mais pas pédagogiquement, et en fait on choisit le taux qui va être le plus néfaste aux universités. Finalement, ce pilotage automatique des universités, notamment pour établir leurs moyens, va concourir à les envoyer dans le mur budgétaire. Ce qui était l'objectif, finalement, et ce qu'on a parfaitement réussi. Ce qui amène à dire, finalement, et à constater de manière un peu froide, l'insincérité de la parole publique sur les budgets. Il y a un écart entre ce qui est annoncé, ce qui est voté, et ce qui est réellement à la disposition des universités. Encore récemment, le ministère a tenté un ballon d'essai avec le gel de 20% de sa dernière... Vous savez que le budget des universités est versé en 4 fois. Le dernier versement devait être amputé de 20%. 20% qui s'ajoute au gel systématique sur les versements qui sont portés. Évidemment, on a fait craindre aux enseignants-chercheurs qu'ils n'allaient pas être payés. Bon, vu ce que certains sont payés, je ne suis pas sûr qu'ils s'en soient rendus compte. Et tout ça, finalement, dans le contexte où l'on prépare le budget 2015. En fait, on joue à se faire peur, mais je rappelle, peut-être de manière très naïve, que la parole publique engage la démocratie. Et que la parole publique, ce n'est pas faire peur. Et qu'on est dans un espace civique qui doit reposer sur des arguments rationnels, surtout de la part de gouvernements successifs qui demandent à avoir des budgets sincères, transparents, efficaces et performants. Avec des logiciels, effectivement, qui ne marchent pas, etc., etc. Il n'y a que l'armée qui fait pire avec Louvois. Mais ça, je passe là-dessus. Finalement, on demande aux universités d'être autonomes sans aucune visibilité sur les budgets dont elles disposent, puisqu'à tout moment, on peut leur couper une partie des budgets qu'elles sont censées gérer. Bref, comment est-ce qu'on fait pour piloter en aveugle quand on sait qu'aujourd'hui l'enseignement supérieur accueille entre 25 000 et 30 000 étudiants supplémentaires chaque année, avec un périmètre budgétaire équivalent. Alors, ces universités sont-elles mal gérées? Heureusement, notre ministre chéri et adoré, notre chère Geneviève, nous concocte une formation sur mesure pour apprendre à préparer et exécuter les budgets universitaires, formation qui va être destinée au président de l'université. Dans le même temps, elle dit qu'il faut réévaluer la place des doctorants et des docteurs, etc. etc. Bon. Actuellement, l'université de Montpellier 3, c'est 100 millions de budget annuel, en mélangeant les ressources propres, les dotations extérieures, les ANR, etc. Et il y a un déficit qui est aussi entre 2 à 3%. L'université de Montpellier 3 respecte les critères de Maastricht. Pourquoi envoyer les présidents d'université à l'ENA lorsqu'on sait que dans la République française, on a une pléthore d'énarques au ministère du budget et des finances et qu'on arrive gaiement à un déficit de 7%, qu'on essaie de réduire là, difficilement à 4%, bien loin des engagements de 3% et qu'on a un taux d'endettement public par rapport au PIB de 98%. Moi, ce que je propose très concrètement, c'est qu'on envoie les énarques à l'université de manière à ce qu'on puisse dépenser davantage d'argent et qu'on envoie les présidents d'université au budget de manière à réduire le déficit de la France. Bref. Et cela, d'autant plus qu'on est dans une université et c'est l'audit qui est commandé par le ministère qui le dit, mais comme nombre d'universités qui sont bien gérées. Ça veut dire quoi, une université bien gérée? Ça veut dire qu'elle applique localement ce qu'elle dénonce par ailleurs, c'est-à-dire une politique de rigueur, il faut appeler un chat un chat. Et que les universités doivent se débrouiller avec les contraintes qu'elles n'ont pas décidées et qu'elles doivent appliquer localement. Et elles doivent faire des choix parfois difficiles. À Montpellier, c'est très simple, les choix, c'est soit on ferme le site de Béziers avec le drame social qu'il y a derrière, soit on fait tomber les murs qui entoure l'université. Donc on a une enceinte à l'entrée de l'université avec des grands murs de béton qui ont été élevés dans les années, à la fin des années 70-80, je crois. Ces murs-là ne tiennent pas parce qu'il n'y avait pas d'argent pour faire des fondations à l'époque. Et aujourd'hui, c'est en train de tomber sur les étudiants qui rentrent à l'université. Et on doit choisir entre d'un côté fermer Béziers ou d'autre côté mettre en sécurité le site principal de Montpellier, tout en annonçant au niveau du ministère des dotations supplémentaires qui sont toujours les mêmes. On nous annonce, les millions d'euros pleuvent, mais c'est toujours les mêmes en fait. 6 fois par an, on vous annonce que vous avez 2 millions supplémentaires, mais à la fin, c'est les 2 millions qui vous manquaient au départ. Donc, on a un délabrement des bâtiments qui est conséquent, des problèmes de fluide, c'est-à-dire de chauffage ou d'électricité ou les deux, des partenariats public-privé qui sont catastrophiques, et de véritables machines à déficit à retardement. Les conséquences également de ces déficits, c'est un numerus clausus dans certaines filières, c'est-à-dire que par exemple en cinéma, en histoire de l'art, etc., on limite le nombre d'inscrits. Des difficultés d'inscription en 2014. On a un système d'inscription automatique qui a eu des bugs comme par hasard au moment où les étudiants devaient s'inscrire. Une diminution du nombre d'enseignements. Un paiement pour les personnels des heures de cours magistraux en TD, ce qui peut signifier jusqu'à 33% de baisse de salaire ou d'heures supplémentaires à assurer. Ça dépend du point de vue dans lequel on le voit. La suppression de certaines filières orchidées. Donc les orchidées, ce sont les plantes rares. Non, pardon, les langues rares dont il était question. Vous savez, ces trucs un peu bizarres, enfin, comme les langues anciennes, etc., etc., qui sont en train de disparaître totalement de la carte du savoir. Et ensuite, le remplacement des enseignants-chercheurs par des PRAG, c'est-à-dire des professeurs agrégés qui vont être à l'université ou des PRCE, etc., etc., qui vont assurer 2 fois plus d'heures en étant bien moins payés, sans mission de recherche. Qu'est-ce que veulent dire ces conséquences? Ces conséquences veulent dire qu'il y a une validation de l'idée ou du projet que l'économie dicte l'avenir des individus et de leur insertion dans la société. Vous vouliez faire histoire de l'art? Eh bien non, il n'y a plus de place. Vous allez faire, vous voulez faire sociologie ou ce que vous voulez, ben non, vous allez faire histoire et vous n'avez pas de chance. Également qu'on a une sélection de fait des savoirs et des formations au regard d'une loi économique, coût actuel, bénéfice escompté. Nicolas Sarkozy disait très clairement qu'on ne voyait pas pourquoi l'État devait payer des formations en langue ancienne. C'est écrit noir sur blanc. On a évidemment une détérioration des conditions de travail assez conséquente. Et surtout, ce qui me paraît le plus scandaleux, c'est le phénomène pyramide. Une pyramide a un sommet étroit et une base élargie. Mais avec la loi de la gravité, plus vous êtes en bas, plus proche du sol dans la pyramide, et plus le poids vous repose sur les épaules et sur la tête. Très concrètement, ceux qui en paient le prix, ce n'est pas ceux qui décident, ceux qui vont en payer le prix, ce sont les personnels, ce sont surtout les étudiants. Finalement, l'économie de la connaissance dont on fait un slogan, n'est-elle pas une économie dans les connaissances, voire même faire l'économie des connaissances, finalement. Parce que tout est perçu comme un coût et pas comme un investissement. C'est perçu comme un coût dans le présent et pas comme un investissement dans l'avenir. Je vais conclure, parce qu'il ne me reste plus de temps, sur ces questions de performance et d'efficacité dans le financement de la recherche en parcourant très rapidement quatre points. Le premier, l'ARS, donc il n'existe plus, maintenant c'est le haut comité à l'évaluation, etc., etc., avec ses brevets. On a eu une évaluation de l'ARS à Crise où on nous a demandé, donc on est un laboratoire de sciences humaines et sociales et d'humanité, si on avait déposé des brevets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on doit tout breveter. Ça veut dire aussi qu'on est dans une logique individualiste, et on sait très bien que la recherche est un sport collectif. Qu'une découverte, qu'une avancée, qu'une réflexion, qu'une interrogation, elle est le produit de dizaines et de dizaines de travaux, et que ce n'est pas un brevet. Et que, de toute manière, cet individualisme forcené dans le travail diminue la productivité, la créativité des acteurs, en plus de participer à leur mal-être. Deuxième pose d'observation, l'ANR et ses projets, j'appelle ça les hamsters au boulot. On sait seulement que moins de 9% des projets sont financés. Et selon Science en Marche, donc là je reprends une citation de leurs travaux, en fait c'est une estimation parce qu'on n'a pas les chiffres précis, c'est un vrai problème démocratique de ne pas avoir accès aux statistiques précises. On sait qu'il y a une perte de travail, une perte d'argent considérable pour les équipes et les chercheurs qui définissent ces projets ANR qui n'obtiendront jamais rien. On sait également et on constate la baisse des recrutements publics dans la recherche, moins 26% pour les enseignants-chercheurs, contrairement à ce que dit la ministre, moins 38% pour le CNRS, on est en train de brader l'avenir de la recherche. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de transmission des connaissances possibles. On va créer un hiatus générationnel qui aura des conséquences à long terme. Est-ce que c'est une mesure d'aveuglement? Non, ça n'est pas une. On connaît le scandale du CIR, c'est-à-dire le crédit impôt recherche, qui va coûter jusqu'à 7 milliards en 2016, deux fois le budget du CNRS. Et ça te si compare. Oui, mais ça, j'y viens. J'attends que tu sois parti. On est dans un cycle de fait. On demande en fait à des entreprises privées d'assurer une partie des missions de recherche en leur faisant un cadeau fiscal. Aujourd'hui, on appelle ça optimisation fiscale. C'est autant de manque à gagner pour l'État, c'est autant de manque à gagner pour la recherche en France. Et en fait, on est dans une logique de privatisation de la recherche avec une connaissance qui doit servir des dividendes versés à des actionnaires. En conclusion, on sait qu'en le 18 avril 2013, Madame la ministre disait et reconnaissait que les sciences humaines et sociales étaient nécessaires parce que sinon on oubliait le marché et qu'elles seules, les sciences humaines et sociales, étaient capables de vendre des produits ou de connaître le marché suffisamment pour vendre des produits. On voit bien à travers ce type de déclaration combien la crise des universités est un choix politique, combien on a un déficit démocratique à partir du moment où les informations sont difficiles à synthétiser, on est gavé d'informations comme des oies. Et on a l'impression de savoir des choses alors même qu'on est incapable de les discuter. Et on est incapable de les discuter à cause justement de cette profusion d'informations. Et aujourd'hui, finalement, les SHS se sont de plus en plus marginalisées parce qu'elles apparaissent sans utilité et elles apparaissent sans intérêt. On parle d'intérêt financier. Aujourd'hui, article du Monde, où on apprend que le salaire d'un Master 2 ingénieur tourne autour de 30 000 euros et celui d'un Master 2 en SHS tourne autour de 20 000 euros. En termes de premier salaire. À quoi on assiste? À un phénomène de hiérarchisation croissante des disciplines et des savoirs au regard de ce qu'ils rapportent et non pas de ce qu'ils apportent. Et finalement, si on a beaucoup de motifs de désespoir et si réellement il est temps de pousser un cri, Je crois qu'également, il y a des solutions et que ces solutions-là doivent concourir à définir enfin ce que c'est qu'un sens commun. Ça passe également par l'interrogation des structures politiques de pilotage de la recherche. Merci. Question. J'ai déprimé tout le monde. Il y a un thème qui ressort très très fortement de votre exposé, je crois, c'est celui du gaspillage. Et je pense qu'on a tout intérêt à s'en emparer dans la direction que vous indiquez, parce que nos managers se prévalent d'une rationalité gestionnaire, alors que le système qu'ils ont mis en place conduit à une quantité invraisemblable de gaspillage. Bon, s'il y a des gaspillages humains, ça vous y êtes vraiment beaucoup insisté, le temps passé dans les projets, la précarité des jeunes chercheurs, ça aboutit à beaucoup de pertes. Mais il y a aussi des gaspillages proprement financiers. Je pense qu'il faudrait qu'on les pourchasse. Alors, il y a le CIR. Bon, là, on a un obstacle politique majeur, le choix du gouvernement de faire des cadeaux aux entreprises. Il faut effectivement le pointer, le dénoncer et dire, comme vous l'avez fait, qu'avec tout petit pourcentage de cette affaire-là, on résoudrait bien des problèmes. Mais même à l'intérieur même du cadre politique que ce gouvernement a fixé, c'est invraisemblable. Les primes. Bon, tout ce système de primes en cascade qui arrose maintenant une toute petite partie, bien entendu, des personnels, mais qui, finalement, il faudra en faire le compte. Pour ne prendre qu'une chose relativement minime qui sont les ex-primes d'excellence au CNRS, combien de postes de CR on pourrait, ou d'ingénieurs de recherche, ou d'autres personnalités on pourrait créer avec ça. Ça a été calculé, c'est 1000. Ça a été calculé. Et ça, c'est des primes relativement officielles. Il y a toutes les primes qui se distribuent au sein des universités. Est-ce qu'à Montpellier, vous avez fait le compte? Les présidents, alors c'est vrai que quand on dirige une grosse boîte comme une université, on peut avoir 3 sous en plus. Moi, je trouve pas ça franchement choquant. Mais dans quelle proportion? Comment est-ce que, en quelque sorte, ce venin de la corruption financière est en train de nous frapper, quoi? Voilà. Les primes. Les dotations aux LABEX et aux IDEX. Bon, ces trucs-là sont parfois utiles. Mais très souvent, c'est de l'argent mal dépensé. Moi, j'ai vu ça d'assez près, pas très loin de chez moi. C'est très mal dépensé sur des projets qui eux-mêmes ont été bâclés dans des conditions invraisemblables au moment des distributions dont nous avons encore le souvenir. Donc, est-ce qu'on pourrait tenter de faire le compte de ces affaires-là, hein, les programmes d'excellence et tout ce que ça fait perdre? Vous avez fait allusion au PPP. Dites-nous ça un petit peu plus sur les PPP de Montpellier. Il y en a d'autres. Comment ça va faire exploser les déficits d'ici peu de temps? Et puis, les personnels de management qui ont été recrutés à prix d'or, il n'y en a pas énormément, bien sûr, hein, mais quand même, il y en a un bon paquet. Est-ce que vous en avez chez vous, hein, des gens qu'on a recrutés pour gérer? Je ne parle pas, évidemment, des comptables. Hein, ça, eux, ils travaillent 4 fois plus qu'auparavant. Les cabinets d'audit qu'il a fallu recruter pour rédiger tous ces projets à la noix, bon, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'on pourrait en faire le bilan? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, c'est une sorte d'interrogation sur Béziers. Alors, je trouve un peu paradoxal dans la situation que vous décrivez dans cette ville, qu'une université privée puisse trouver de la demande solvable. Donc, comment Fernando Pessoa, Dieu et son âme, va trouver des clients? C'est ma deuxième question. Je vais répondre à la plus simple, d'abord la seconde question. Donc en fait, c'est dans la ville de Béziers. Les bâtiments ne sont pas chers à Béziers. Voilà. L'ancien maire qui a été mis dehors par les municipales avait tenté l'ouverture de cette université qui a été tout simplement interdite par le décret sur l'ouverture de ces formations en médecine, dentaire, etc. Donc c'est un projet qui a avorté, qui a remporté d'ailleurs la crise, mais c'était intéressant à ce moment-là de voir l'ombre du privé qui planait sur une ville qui allait être privée de son université publique. Donc ça, c'était un point assez intéressant. Sur le gaspillage, bon, en fait, le gaspillage, c'est une manière de l'appeler, il est organisé. C'est pas on laisse une fenêtre ouverte. On jette l'argent par les fenêtres et c'est volontaire. Donc effectivement, on a les primes. Alors les primes, je ne vais pas le dire ici, Mais voilà, je suis en train de m'y pencher d'un peu plus près. Parce qu'en fait, il y a même une logique d'allocation, de distribution de ces primes qui est vraiment intéressante et qui mérite de s'y pencher de très très près. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et si je peux attendre aussi, parce que je suis aussi à l'Université de Montpellier, ça fait, par ailleurs, ça fait 11 ans que je fais une partie de mon service. Et maintenant, depuis quelques années, presque tout mon service à l'Université de Béziers, dont tu parlais, qui est dirigé pour l'histoire par Marc. Et en ce qui concerne les primes, elles sont assez modérées à Montpellier, même très nettement modérées par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je le sais parce qu'on a déjà discuté avec des collègues qui bénéficient de primes travaillant dans l'administration, pour ça, scientifique ou ailleurs. Je crois que le maximum, c'est 5 000 euros par an, ce qui est ridicule, eu égard aux chiffres qu'on connaît ailleurs. Mais cette tendance, il faut quand même souligner que c'est quelque chose qui est pleinement advenu dans le monde anglo-américain. Moi, je suis en relation avec beaucoup de collègues de Montréal qui me disent que quand ils dialoguent avec d'anciens collègues qui sont montés dans l'université, ils se rendent compte que ces gens-là jamais ne retourneront à un travail d'enseignant-chercheur parce qu'ils triplent, quadruplent, quintuplent leur salaire ou plus encore. Il n'y a plus aucune commune mesure entre le salaire d'un dirigeant d'université au Canada, pour la situation que je connais bien, et les full professors, ou ceux qui font le travail. À Montpellier, on se préserve encore. En fait, les primes ont été censurées sur les deux derniers budgets. Ouais. Donc il y a tout un ensemble de primes que le CA a voté l'absence de primes. C'est-à-dire que... Mais je pense que la... Bon, les PPP, c'est les années Sarkozy, hein, et donc c'était le plan campus qui avait tendance à ouvrir ces partenariats, qui sont de véritables scandales financiers. Donc Montpellier s'est à peu près bien tiré, en tout cas Montpellier 3, puisqu'elle a refusé la fusion avec les autres universités. En gros, tout ce qui est commu et tout ce qui est fusion a été l'occasion justement de grands gaspillages d'argent et notamment du grand emprunt. En fait, on dépense l'argent qu'en plus on devra rembourser un jour collectivement, et notamment en termes d'appels d'offres, de partenariats public-privé, etc., etc. Mais les facs de sciences et de sciences humaines, en tout cas pour Montpellier, ça ne sont pas trop mal sortis parce que finalement personne ne voulait d'elle. Donc, au moins là, ça va. Je crois que la plus grosse partie du gaspillage peut relever c'est le gaspillage ordinaire des marchés. Donc vous savez que quand votre université prend un billet de train, elle passe par un prestataire avec qui l'université a un marché, et que systématiquement, on va payer le billet de train au prix, au tarif le plus élevé, en ajoutant 6 euros de frais de gestion. Quand vous achetez un stylo. Plus que ça, moi j'ai souvent fait la comparaison, acheter moi-même le billet puis me faire rembourser par le centre de recherche ou me faire acheter par le centre de recherche, mêmes horaires, même date, c'est 25% en fait. C'est le tarif le plus haut de la SNCF auquel tu rajoutes les frais de gestion extérieurs. C'est-à-dire qu'en gros, on prendrait directement nos billets, on gagnerait déjà une somme considérable. Quand on voit le nombre de kilomètres qu'on fait, voilà. Et c'est la même chose pour l'achat d'un stylo, c'est la même chose pour tout ce qui est fourniture, etc. Et finalement, ça tend à réduire le périmètre finalement des fournitures, d'où en gros le sentiment un peu de pénurie. Après, Montpellier, c'est une université, je pense, qui essaie de s'en sortir. Voilà. Mais après, voilà, le problème se pose au niveau des contraintes qui sont imposées de l'extérieur. Donc l'autonomie est factice, réellement factice.